les sites d'information RFI, cette fois-là, définitivement donc coupés par Moscou, qui leur reproche en tout cas leur traitement de l'information en défaveur notamment de l'opération russe du côté de l'Ukraine. Et bien pour beaucoup sur ce plateau, il tardait notamment à la Russie de prendre une telle décision, même ne serait-ce que pour réciprocité, parce qu'on se rappelle notamment qu'en février dernier, bien les sites d'information russes du côté de la France avaient été rapidement, je dis rapidement, bloqués et coupés donc de production du côté de l'Europe. Bienvenue à vous présents. Merci, mon cher Fabrice Blum. Je ne reviendrai pas sur ce que vous incarnez comme espoir en termes de renouvellement de la génération des figures médiatiques panafricanistes. Nous voyons la satisfaction que vous nous apportez en termes de relève. Je suis toujours heureux de vous répondre à votre invitation. Permettez-moi de m'incliner devant mes panélistes, copanélistes, qu'ils comprennent très bien pourquoi je suis venu avec un certain retard. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je n'avais pas le choix. J'ai tout fait pour là. Je sors d'un autre engagement. Donc, j'étais là, c'est là. Je salue Maître Momo, vieux compagnon de lutte. Je salue mon ami Mandeng. Il est même panafricaniste de naissance. Il De revendique par son nom. plusieurs appartenances. En même temps, je le salue spécialement. C'est un vieux collègue de combat aussi. Et mon camarade, ami, frère Bertrand Tassinda, dont le coup de cœur tout à l'heure est mien aussi, par rapport au sujet qu'il a soulevé. Et nous sommes dans une grande campagne médiatique sur ces affaires-là, les questions d'énergie, les questions d'eau, au niveau du Cameroun. Après la bataille qu'on a menée par rapport au port de Douala, il faut rapidement libérer le secteur stratégique de l'énergie et de l'eau dans notre pays, le secteur ferroviaire. Ce sont des secteurs qu'il faut libérer rapidement. Les enseignements qu'on peut tirer de ce qu'on appelle crise en Ukraine, mais qui pour nous est une opération militaire spéciale, comme l'a dit le président Vladimir Poutine, qu'il est important d'avoir une économie publique. Ça donne de la flexibilité. Quand on sait gérer ça, c'est l'économie publique russe qui est en première ligne dans la résilience économique de la Russie, dans sa capacité, n'est-ce pas, à flexibiliser sa dynamique économique et à résister, non seulement à résister, mais à se projeter dans l'organisation d'une alternative à l'impérialisme global, n'est-ce pas, qui est une calamité pour le monde. Si la Russie n'avait pas une économie russe, une économie publique, on n'en serait pas là. Ça parle aux pays africains de manière fondamentale. Les pays africains n'ont pas le choix. Eux qui sont à la périphérie du capitalisme devenu fou, capitalisme impérialiste global, les pays africains qui sont à la périphérie ne peuvent pas se passer de l'existence d'un secteur stratégique en matière d'économie. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie publique? Et des pays comme le Cameroun ont fait une erreur majeure, entraînée par la criminalité économique internationale, incarnée par le FMI et la Banque mondiale, de vendre leurs bijoux. C'est même pas, on l'a pas vendu, on l'a bradé. On l'a bradé dans un voyeurisme d'État. Un banditisme d'État où Lando Colonna est monté dans son caractère criminel, n'est-ce pas, pour brader les bijoux de famille de nos États à des voyous comme les Bolloré. Et tous ces gens-là, et on continue avec Enio, le secteur de l'énergie et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, il est important de prendre en charge ces débats-là parce que l'avenir de nos économies, les pays africains qui sont dans la dynamique de transition, on ne sait pas vers quoi, de transition économique. On verra dans quoi ça va aller. Mais on est dans cette dynamique-là. Il est important d'être capable de construire une économie publique. Ce n'est pas le secteur privé qui peut libérer un pays africain, économiquement parlant. C'est de la folie, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de secteur privé capable de le faire. Et le capitalisme, depuis son histoire, est privé d'apparence. Il a fallu coloniser les États. Que le capital colonise les États, que le capitalisme arrive à un certain niveau de croissance. Et que dit des pays africains comme ça, qui n'ont même pas d'industrie, qui n'ont même pas d'économie. Donc l'État a un rôle important à jouer. C'est pour ça que je suis très solidaire du coup de gueule de Bertrand Tassina, n'est-ce pas, sur ces bradages-là. Je ne reviendrai pas sur les sauvageries d'État, ces histoires de contrôle excessif. Ce sont des formes de pathologie primaire. qui trahissent le fait qu'un État comme le Cameroun est pris en otage par des gangs. Il y a des gangs là, animés par des ministraillons, qui vraiment ont des comportements qui sont même inqualifiables dans la gestion des affaires de l'État. Donc, il est important que ça éclate comme ça, pour que rapidement, ce qui doit être fait soit fait, à savoir arrêter ça. C'est une honte, c'est une honte. Et ça trahit, n'est-ce pas, un abaissement de l'éthique de l'État, un abaissement de l'idée qu'on doit se faire de l'État, qui lui-même est, n'est-ce pas, le fils du caractère colonial, en dernière instance, de cet État-là. Donc, quand j'ai dit ça, je voudrais avoir une pensée pour le ministre Chablais Goudé, qui n'est pas encore rentré chez lui, qui n'est pas encore en possession de son passeport. Et nous espérons que ce qui s'est passé là ne va pas être un cinéma de plus. Vous savez que le régime, ce qu'on appelle régime, là, au niveau d'Abidjan, est passé maître dans l'art de l'esbrouf et de l'escroquerie. On allait le rendre visite, on a envoyé un directeur de cabinet qui allait parler à M. Blégoudé. Il n'y a pas de... On a dit qu'on va se taire le jour, il aura son passeport pour entrer chez lui. Donc, tant qu'il n'a pas ce passeport, nous considérons qu'il est victime d'une violation extrême de ses droits de l'homme, de ses droits en tant qu'être humain. Il est banni de son pays alors qu'il a été acquitté à la CPI. Il a été acquitté par le système criminel international, dépassé, n'est-ce pas, qui a été obligé d'acquitter parce qu'il n'avait pas le choix. Le travail qui a été fait ici a imposé une vraie justice. Et cette justice de fanfaron n'avait pas d'autre choix que de s'aligner sur la justice que nous avons imposée ici, au niveau d'Afrique Média. Donc, le ministre Charles Blégoudé n'a pas encore eu son passeport. On continue cette campagne pour interpeller les soi-disant ONG qui voient tout, sauf les vraies violations des droits de l'homme, en l'occurrence le cas du ministre Charles Blégoudé. C'est très grave de priver quelqu'un de sa patrie. Hein? On le prive de sa patrie. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le ministre Charles Blégoudé? Pourquoi il n'a pas de passeport? Le président Babou est rentré tranquillement. Pourquoi on peut refuser Blégoudé de rentrer chez lui alors que c'était deux compagnons de galère pour parler comme ça? Vous voyez, c'était quand même très grave. C'est très grave. Tout comme j'ai une pensée pour Elie Domota, l'une des figures de proue du syndicalisme guadeloupéen, et ses camarades qui sont embastillés depuis de ce côté-là pour le simple fait d'avoir exercé leur droit syndical. Donc, on ne va pas se taire pour ce cas-là, et il y en a d'autres. Donc, permettez que je... Merci de m'avoir permis de commencer par ce genre de choses. Alors, maintenant, je reviens à votre sujet rapidement. D'abord, tout à l'heure, j'étais avec le combattant Mbouamassa. Il y en a ici qui le connaissent très bien. Mbouamassa. Voilà, Mabatalon. J'étais lui, on causait, il me dit, président, on se coalise contre un fort. La coalition capitaliste, mondialiste, internationale, contre le président Poutine, c'est parce qu'il est fort. Donc, ce qui doute encore de la force de Vladimir Poutine, la preuve, c'est que ils ont coalisé contre lui. Les Américains et l'Europe ont coalisé contre le président Poutine. Donc, il est fort. C'est très pertinent en termes d'analyse factuelle, ce que vous entendez dire. On cause de ça, je lui ai dit, je vais relayer ça ici. C'est très bien de relayer ça. Donc, le président Poutine est fort, nous lui apportons notre soutien. Il faut toujours réaffirmer le soutien des véritables panafricanistes au président Poutine. C'est très important. Il faut le faire à Mondovision. C'est très, très de rappeler ça. Oui, il faut le faire. Toute l'Europe est en branle. On évoquera d'ailleurs le cas de TV5 Monde cette semaine qui a reconsacré une autre édition, notamment sur vos prises de position sur Afrique Média Télévision. Ben, je suis habitué. Non, c'est pas grave. Je vous ai dit toujours qu'au départ, on faisait comme ça n'existait pas. Bon, mais là, il n'y a plus moyen. Donc, ça va. Donc, ils vont encore consacrer les émissions. Jeune Afrique, au moins, à son 4e numéro sur nous, avec des mensonges de bas niveau. Tout à l'heure, je reviendrai pour faire le lien avec votre question. Donc, nous apportons notre soutien au président Poutine, le grand président Poutine, un des plus grands gestionnaires du 21e siècle débutant, parce que dans son pays, il n'y a pas de dette extérieure, il n'y a pas de dette intérieure. De même, c'est la base des critères de la criminalité capitaliste internationale, de leurs critères de notation. C'est le meilleur gestionnaire qui a sur la terre actuellement. Parce qu'il n'est pas de dette intérieure, de dette extérieure. Donc nous le saluons. Nous saluons la réussite du plan. Ce n'est pas les voyous là qui ont fixé les plans russes. La Russie, elle seule, connaît son agenda. Et elle évolue lentement, sûrement, et va de victoire en victoire. Qu'il y ait des pertes, Ou est-ce qu'on a déjà vu une guerre sans perte? Mais nous, on rigole de voir le prétendu philistin, le philistin là qui s'agite partout, qui dit qu'on résiste, on résiste, et qui pleure tous les jours, qu'on est en train de détruire mon pays, voilà, j'ai perdu, c'est oh, venez au secours, on va mourir bientôt. Mais ne pas tuer fort. Donc, on sait que c'est une guerre entre la Russie et l'Occident. On le sait. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. Là, il y a les preuves. Tout est là. Donc, la porte se tue au président Poutine. La suspension définitive de RSQ, c'est la fermeture. Hein? Mm-hmm. C'est la fermeture. Mais la suspension, c'est fermeture, suspension. Tout à fermeture et après suspension définitivement. Donc, la fermeture définitive finalement de RFI en Russie, comme tout à l'heure, j'ai suivi Mandang le dit, ça a trop attendu. Ce qui est la preuve de l'extrême tolérance du président Poutine. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est abattu sur Russia Today et Sputnik. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Donc, il n'y a pas de commentaire. Voyez comment Poutine a attendu avant de prendre cette décision. Et d'ailleurs, il y avait plein de médias occidentaux en Russie. Mm-hmm. Et là, c'est sorti là pour dire que bon, si quelqu'un fait un fake news, on le sanctionne. BBC et les autres ont carrément eux-mêmes plié leur bagage. On ne pas chasser. Ils ont plié leur bagage pour partir. Parce qu'ils savaient que, comme ils sont les spécialistes de fake news, ils vont tomber sur le coup de cette loi. Et même qu'ils sont partis. Je voudrais faire le parallèle avec la démarche des soi-disant sociétés démocratiques. Sputnik et Russia Today ont été fermés de manière illégale. C'est-à-dire qu'ils ont violé leur propre loi pour décréter la fermeture de ces organes-là. Il faut l'appeler ça. C'est-à-dire, c'est, comme je dis tout à l'heure, il y a des noms que vous ne voulez pas présenter parce qu'on va être vraiment très dur et violent. Sauf ce qu'on, qui est à la tête de la Commission européenne. Là. Il y a un truc là qui est à la tête de la Commission européenne. Un truc là à mettre qui est à la tête de la Commission européenne. Moi, je vais prononcer son nom ce soir, cet après-midi. Donc, vraiment, c'est-à-dire, elle a le mandat de personne. Elle a décidé, avec le criminel qu'on appelle M. Le Drian, de violer la loi pour suspendre Sputnik, fermer Sputnik et Russia Today. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait, et ils se sont rendus que c'était tellement grave qu'après ils sont allés mobiliser les organes qui étaient censés le faire, et dans le cas d'Espèce en France, je crois que c'est l'organe de régulation des médias français. C'est un nom là, Mandin, c'est quoi là? Le CS. Non, c'est à quoi quelque chose comme ça. Oui, il y a l'organe de régulation. Ils sont, après coup, allés obliger cet organe à valider, après coup, n'est-ce pas, leur forfaiture. Mon cher. Donc, regardez l'idée qui se font de la presse, regardez l'idée qui se font des médias. Ces gens qui se vendent matin et midi sont des pays démocratiques, de toute la liberté de la presse, ont démontré à la fois du monde entier qu'il n'y a aucune liberté de la presse dans ce pays-là. Il y a, n'est-ce pas, une chorale médiatique qui répète les mêmes choses, qui ont démontré. Oh, regardez quand la Russie prend sa décision. Fais le parallèle. Alors, finalement, qui est plus démocratique que qui? Qui peut imaginer, il y a un Africain qui ne sait même pas qui peut pas imaginer qu'il y a même ces médias en Russie. Quand vous écoutez leur propagande mensongère, vous êtes sûr qu'il n'y a même pas de médias étrangers privés en Russie. Pourtant, c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a ça. Le deuxième point que je vais prendre pour essayer d'analyser cette affaire-là et intégrer ça au niveau d'une analyse panafricaniste, c'est toujours revenir sur l'attitude de la. Ce truc-là dont Bertrand n'a pas voulu prononcer le nom. Qui a commenté ce truc-là qui est directrice de quoi? De machin de RFI, c'est ça? Du groupe. Bon, ce truc-là qui a fait un commentaire par rapport à la. Oui, ce truc-là, il ne prononce pas son nom. Qui a fait un commentaire sur la décision qui a été préparée par la Russie. Regardez le contenu et la valeur. Bertrand a raison de dire qu'il ne veut pas commenter ça. Moi, je ne fais pas plus pédagogie. Regardez le contenu. Nous dépendons la fermeture, n'est-ce pas, de nos médias parce qu'on va priver la Russie d'informations vérifiées, contrairement aux fake news diffusées par d'autres. Vous voyez, toujours cette posture de supériorité, toujours cette posture de domination, toujours cette posture d'être élu, d'être au-dessus des autres. Et c'est là où il faut s'arrêter. C'est là où il faut s'arrêter. C'est parce que ce jour-là, c'est là où il faut s'arrêter. Mon cher Ndou, nous avons appelé, à la suite du président Poutine, l'Occident empire du mensonge. C'est-à-dire que vous pouvez me dire sur quelle base ces gens disent qu'ils ont le monopole de la bonne pratique de la déontologie journalistique. Comment le mensonge peut dire qu'il est la vérité? Ce n'est pas philosophique sérieux, hein? Très sérieux. C'est-à-dire, comment le mensonge, qu'est-ce qui fait que le mensonge dise qu'il a la vérité. Bon, quelqu'un va dire que non, mais président, c'est le mensonge. Donc, il doit mentir. Quelqu'un me dit ça. Oui, mais lorsque le mensonge systématise sa propre promotion, lorsque le mensonge élabore sa justification et se place au niveau de la vérité absolue, lorsque le mensonge institutionnalise le fait que la vérité doit disparaître dans le mensonge, et le mensonge n'est pas s'établit comme vérité. Lorsqu'on est dans une telle situation, on est dans la pire tyrannie qui puisse exister. Même il n'y en a pas fait mieux. Il faut bien comprendre dans quoi est-ce qu'on se trouve. C'est-à-dire que des gens qui sont derrière RFI, que l'État français, que les Occidentaux osent dire que les médias sont le parangon du respect de la déontologie du journalisme, sont le parangon de ce qui est en matière de respect de la liberté de la presse, c'est-à-dire que les gens normaux sur cette terre doivent s'arrêter et se poser des questions. Comment on est arrivé là? Et ça, de la suite, hein, comment on fait que dans des pays africains, pour ne parler que de l'Afrique, les gens acceptent que les RFI, France 24, les médias occidentaux arrosent le pays sans réciprocité dans leur pays? C'est devenu normal. C'est le constat du fait que dans des pays africains, les gens s'asseyent matin, midi, soir devant RFI France 24 et consorts. C'est fort de ça que les occidentaux osent dire, n'est-ce pas, qu'un seul média occidentaux connaît ce qu'on appelle journalisme, déontologie journalistique. C'est parce que c'est comme ça qu'ils croient que le fait que les milliardaires deviennent patrons des médias participent d'une évolution normale de la presse. C'est pour ça qu'ils croient que la standardisation des techniques de votre métier, où un matin tous les médias français peuvent avoir le même titre. Vous ne parlez que de la France. Je laisse CNN, c'est grave là-bas. Je laisse CNN le consort. C'est CNN qui a proclamé le résultat des élections aux États-Unis. New York Times, CNN et les médias mainstream américains ont nié l'implication du fils Biden dans le scandale Burisma. Ils ont nié. Ils ont nié le grossier montage qu'a été l'affaire de Russia Gate aux États-Unis. On accusait l'ancien président Trump d'avoir été placé au pouvoir par les Russes. Ils ont nié ça. Mais je vous rappelle, actuellement, New York Times, tous ces médias mainstream américains reviennent sur eux et disent que non. Oui, l'affaire Burisma, vraiment, c'est une affaire vraie. L'affaire Russia Gate était après coup. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui font qu'on peut les poursuivre. Donc, en disant ça à l'heure une, ils se protègent, on ne peut plus les poursuivre. Mais c'est ça le journalisme. Et ce sont ces médias qui sont vos références. Vous voulez ressembler? Oui, vous pouvez les journalistes, pas pour nous. Mais les médias africains veulent ressembler à ces journalistes-là. Voilà les standards de notre métier, madame, tu m'excuseras. Vous voyez ça? C'est parce qu'ils voient que nous sommes attachés, qu'on suit ça, qu'ils croient qu'ils peuvent continuer à dire ça. Vous comprenez? Faites le parallèle de la réaction de ce truc-là, qui a osé commenter, ce truc que vous appelez patron de médias, quoi, médias France Monde. Comparez sa réaction et la réaction de un autre truc, hein, qui est même en passe d'être élu en France, n'est-ce pas? Qui a osé dire que le fait d'avoir suspendu RFI France 24 au Mali, on l'a porté à la tête aux intérêts du peuple malien. Vous vous souvenez? Il a dit. C'est parce que ces gens-là, c'est-à-dire qu'en nous, quand ils nous observent, ils voient très bien qu'ils peuvent oser dire ça parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis dans nous. Dans nous, mon cher. Donc, c'est ce qui se passe là, ce n'est pas seulement le fait que la Russie a posé un acte qui va dans ce sens. Il est posé sur la table, n'est-ce pas, du débat mondial, la place désormais du métier qu'on appelle métier de journalisme, la nécessité d'analyser son évolution, M. Manden, analyser sérieusement, pour voir désormais si la question de la libération de votre métier, des forces, des puissances criminelles, n'est pas le débat de notre temps dans votre métier. Je répète, la libération du métier du journalisme, la libération des journalistes, la libération de la liberté de la presse, de la tyrannie, des puissances financières internationales et des États qui les soutiennent, n'est-ce pas, n'est-elle pas le débat fondamental désormais de votre métier? Est-ce qu'il désormais, il y a encore un avenir pour le journalisme, si ce n'est pas la question là maintenant qui doit être d'abord au centre de toute démarche journalistique désormais? Moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça que pose l'action russe. C'est de cela c'est ça que posait déjà l'action de l'État malien. C'est de cela qui a été question. Parce que dans la tête de ces gens, l'idée qu'ils se font les États européens ont du journalisme dans leur pays, c'est que tout ce qui est dit par un média occidental ne peut pas être remis par un pays en cause par un État non occidental. Je reprends ce que je suis en train de vous dire. Dans la tête de l'Occident, l'Occident collectif, en tant que Sergueï Lavrov l'appelle ça, il interdit à un État non occidental de remettre en cause toute démarche journalistique venant d'un média occidental, qu'il soit public ou privé. Dès que vous le mettez en cause, c'est une affaire d'État, maître. Ça devient une affaire d'État, ça devient une crise diplomatique. Mais il y a longtemps dans ce monde, on n'avait pas vu ça. On n'est pas arrivé à ce genre d'extrémisme. C'est-à-dire que désormais, si vous remettez en cause ce que dit RFI France 24, CNN, les médias mainstream, les bêtises de Londres, là, BBC et machin et consorts, vous entrez dans une crise diplomatique parce qu'on estime que pour l'avoir fait, vous avez remis en cause la vérité, c'est-à-dire que quelque chose que l'Occident considère désormais comme étant vrai. C'est une déclaration de guerre. Nous sommes en guerre, monsieur. C'est notre forme de guerre. Cette guerre-là, il faudra la mener. J'ai donc quelque fait, je vais terminer par là. Alors, voyons les performances de ces médias. Maître, monsieur Tassinda, mon cher Mandel, regardons les performances. En Syrie, quel a été le comportement des médias occidentaux? On ne peut même pas décrire. Ça a été, c'est-à-dire, le mensonge était leur ligne éditoriale. C'est-à-dire, le mensonge était leur ligne éditoriale. Ils sont allés jusqu'à faire la promotion des terroristes. Ils ont fait ouvertement, à mon deux visions, la promotion des terroristes. Mon cher Ndoub, en Syrie. Ce qu'ils font aujourd'hui avec Poutine, ils l'ont fait avec Assad. Qu'est-ce qu'Assad n'a pas vécu comme président, ce président? Qui n'a pas vécu? Monsieur Hollande. Écoutez bien, Monsieur Hollande. C'est-à-dire, ce monsieur, qui peut même... Il est, c'est-à-dire que, quand on parle d'Hollande comme président, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est-à-dire? Quand tu es un homme normal, maître, c'est-à-dire que Hollande, là, quand tu le vois, il faut te faire violence pour ne pas cracher. Mon Dieu. Il a osé appeler Bachar assassin. Et que Bachar devait être jugé. Vous savez pourquoi? Parce que les médias français, les médias mainstream, accusaient Bachar d'avoir gazé son peuple, d'avoir déversé sur le peuple syrien les armes chiites. Et pourtant, c'est l'État français qui était derrière ça. Parce que le pays qu'on appelle la France, là, c'est-à-dire ce pays-là, Shimon Peres a dit que si tu as pour français, si tu es partenaire, ami de la France, ne cherche plus ton ennemi loin. Ce n'est pas un Africain, hein? C'est l'ancien premier ministre d'Israël, qui est l'ami de la France. Il dit que si tu as pour partenaire la France, ne cherche plus ton ennemi loin de toi. Il ne faut pas le chercher loin. Donc, autrement dit, Shimon Peres est en train de nous dire que si la France dit qu'elle est ton partenaire, dans la nuit, considère que c'est ton pire ennemi et comporte-toi comme tel. Donc, c'est-à-dire que vous avez vu comment on a... C'est-à-dire que ils ont menti sur la série. Matin, midi, soir. Jusqu'à cette affaire. Aujourd'hui, maître Momo, où est le résultat de l'enquête sur l'attaque chimique de Bachar contre son peuple? Où est le résultat de l'enquête? Où est le résultat de l'enquête? Et ils ne se sont pas repentis pour ça. Ils considèrent qu'ils ont fait leur travail de journalisme. C'est pour ça qu'ils continuent. Ils considèrent qu'ils ont fait le travail digne de journalisme. Ils ne se sont pas arrêtés. Revenez à la première guerre du Golfe. Le fake news où la fille d'un ambassadeur du Koweït aux États-Unis allait inventer une histoire sur les bébés qu'on tuait, massacrés à l'hôpital Saddam Hussein. Monsieur Mandé. Et les médias ont porté ça. Ils ont porté ça pour justifier l'intervention américaine. Ils ont considéré que c'était le travail par excellence. C'était le standard du journalisme. Ils n'ont pas arrêté de faire. Ils continuent. Deuxième guerre du Golfe en Irak. Chacun se souvient de ce bouchon. Bon, je n'ai pas venu de... Voilà. Les Américains ont inventé un mensonge. Et qui a repris ça? Tous les médias mainstream ont repris ça. C'est-à-dire que matin, midi, soir. Ça débouchait sur quoi? Oh mon Dieu. La mort de millions d'Irakiens. Et ces médias ne se sont jamais repentis. Ils disent que non. On a respecté l'Est. Au contraire, c'était un progrès dans la maîtrise des canons de l'homme. Et ils ont continué. Mais Momo, ils ont continué. En Yougoslavie, c'était quoi? Les massacres, les génocides de M. Milosevic contre le peuple le massacre de Milutin, une invention. Tous les médias mainstream, en général, et en France, le Figaro, tous les médias français, on aligne. C'est-à-dire, on alignait ça matin, midi, soir. Ça a débouché sur la partition de la Yougoslavie et l'assassinat, les crimes de guerre, n'est-ce pas, avec des morts qui te comptent par centaines de milliers. Des millions. À la fin de la guerre en Yougoslavie, ces médias ont estimé que ils ont progressé dans la maîtrise des standards et des canons du journalisme et il fallait qu'ils continuent. En Libye, demandez-vous rien. En Libye, c'est le plafond. Qu'a fait Henri Bernard Lévy? L'État français, l'ONU, l'Amérique dirigée par le seul grand noir, le seul bon noir que l'humanité ait connu, Barack Obama, notre soi-disant frère. Le frère de qui? On a dit comment Kadhafi est en train de massacrer les gens à Benghazi. Que si on n'intervenait pas, Benghazi allait disparaître de la carte du monde. Il y aurait des centaines de milliers de morts. On a fait les films à Mondovision. Ouais. Bernard Henri Lévy, philosophe le jour, mais colonel de l'armée française. Je répète, philosophe le jour, mais colonel de l'armée française la nuit. Bernard Henri Lévy. Et aller en Libye, préparer le terrain à l'action de M. Sarkozy. Ouais. Grand président de la France. Et qu'on fait les médias mainstream, matin, midi, soir, on nous a bombardés matin, midi, soir. Sur le démon qu'on appelle Kadhafi. On l'a diabolisé. Il va tuer tous les gens à Benghazi. On a tout raconté. Ça, le c'est quoi? On l'a arrêté. On l'a dû le juger. On lui a fait subir des sévices sexuels. On l'a assassiné. On a tué ses enfants. Ouais. Et on compte les morts en Libye par centaines de morts avec un pays détruit. Oui, avec en plus la transportation des djihadistes, entre guillemets, c'est-à-dire des agents secrets français. Les armées occidentales, les milices occidentales formées pour les besoins de la cause, on les a transportées de la Syrie pour la Libye. Donc on est la suite. À la fin de la guerre en Libye, messieurs, maître Momo, mes chers panélistes, les médias mainstream sont assis. Ils ont dit on a progressé encore d'un cran dans la maîtrise des canons du journalisme. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Après la Libye est venu le Mali. Ah oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des médias mainstream sur le messianisme de la France, de l'opération Serval qui va devenir Barkhane et tous les statues qui avaient été envoyés par Dieu pour sauver le Mali et qui luttaient terriblement contre les terroristes. Quand les terroristes les voyaient, ils fuyaient. Ils se sacrifiaient. Aucun média mainstream ne nous a pas dit ce que faisait l'armée française et tous ces gens qui luttaient contre le terrorisme. On ne nous a pas dit que c'est eux qui les protégeaient, c'est eux qui les finançaient. C'est eux qui les parrainaient et c'est eux qui les encadraient. C'est tout. On ne nous a pas dit ça. Jusqu'au jour où le premier ministre malien est venu dire, confirmer ce que nous avons dit, c'est depuis 10 ans. 10 ans. Depuis 10 ans. Bon, après tout ça, il y a quelqu'un qui dit que vous avez oublié aussi. Les nombreux virus envoyés sur le continent africain et qui sont justement justifiés à chaque fois par la presse occidentale. Un jour, on ferait une émission spéciale pour ça. L'affaire des virus est tellement grave qu'il faut une émission spéciale pour ça. Parce que maintenant, vous savez, les faits nous rejoignent. Le président Poutine et les Chinois ont présenté à l'ONU les preuves que les Américains sont c'est l'État le plus dangereux de la Terre. Dans un monde normal, on rase les États-Unis de la Terre. Écoutez-moi bien, je répète ce que je suis en train de dire. Dans un monde normal, où les hommes ont la maîtrise de leur destin, on rase l'État américain, on le met au banc de l'humanité. L'État américain, c'est un État criminel. Il fabrique dans le laboratoire le seul projet qu'il a. Il s'assied, il réfléchit sérieusement. Qu'est-ce qu'on va faire pour le monde? On fabrique des virus en laboratoire pour effacer l'espèce humaine. Et voilà la démocratie. Hein. Ça, c'est très démocratique. Hein. Ouais. C'est très démocratique. Donc, on reviendra déjà dessus. Je voulais terminer sur nous. C'est-à-dire, quand ils ont fini de faire ça, ils ont tellement valorisé leur travail que maintenant, ils ont dit à rien d'Afrique. Occupe-toi des gens d'Afrique média. De panafricanisme. Donc, depuis au moins ces 5 numéros. Oui. Et maintenant, TVC est entré dans la danse. Après Mediapart, tout ça, ma chère consort. Hein? Bon, Mediapart est dirigé par quelqu'un, bon, je mets les guillemets, mais lui, il est dedans. C'est un média français, malgré tous les efforts que fait mon ami Evie Prenel, qui était un ancien du monde. Et le monde, pour nous les IPCistes, fils d'IPCistes, nous savons le rôle que le monde a joué dans l'histoire du Cameroun. Nous, Sadio, de regretter, mais moi, j'avais dit qu'il n'y a pas de bon blanc. Clair et net. Mais Mediapart, alors maintenant, je suis en Afrique depuis au moins des mois, bientôt plus d'un an, maître, nous consacre des numéros spéciaux. J'ai lu. En disant qu'à l'issue d'enquêtes de haut niveau, après avoir investigué d'une manière exceptionnelle, L'Afrique dit que nous, on prend l'argent chez les Russes et que les Russes nous ont acheté pour répandre le sentiment anti-franc. Quand vous lisez ces articles-là, ils n'ont jamais apporté la moindre preuve. Même un seul début de preuve pour dire que voici la preuve que les Russes donnent l'argent aux panafricanistes pour répandre le sentiment anti-franc. Vous ne voyez pas qu'il y a une grande évolution en termes de maîtrise des canons du journalisme. Mais ils sont au sommet. Au sommet de l'art. Oui, oui, c'est le sommet de l'art. Le sommet, c'est tellement cohérent que l'ambassadeur de France au Cameroun, à la suite de d'autres ambassadeurs qui l'ont précédé, a pour mission spéciale de s'assurer que le paysage médiatique camerounais, en particulier, ils font ça aussi ailleurs, il n'y a pas de médias qui qualifient d'anti-français. Il faut les déstabiliser, les détruire. Permettez que je fasse ce qui peut apparaître comme publicité, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a un média là qu'on appelle DBS. Comment j'ai dit ça, titre spécial qui parle de ça, si vous m'excuserez. Ouais. Ce n'est pas publicité. Il est dirigé par un monsieur qu'on appelle Dampoulo. Permettez ce que j'appelle son nom. Ouais. L'ambassadeur de France a estimé que ce média-là a des émissions panafricanistes. Que le média-là veut ressembler à Afrique Média. Et qu'il faut rapidement empêcher ça. Parce que s'il y a plusieurs Afrique Média, c'est la mort. C'est très grave. Qu'ils vont faire comme Afrique Média? Il faut arrêter ça. L'ambassadeur de France a pris sur lui de faire interdire cette émission. Il a commencé par le CNC, ça n'a pas marché. Il allait faire pression sur M. Dampoulo. Je parle à mon deux visions. Dampoulo, on a suspendu cette émission, monsieur. Ça n'existe plus. Voilà le travail d'un ambassadeur dans un pays africain. Il s'appelle l'ambassadeur de France. Donc, quand j'ai fini de faire ça, vous voyez très bien ce qui se joue devant nous. Ouais. Si les Africains font semblant de ne pas voir, vous avez affaire. Quelle est la réalité des médias occidentaux? C'est une armée de militaires déguisés en journalistes, monsieur. C'est tout. Vous refusez, c'est votre problème. Les médias dans ce temps sont des militaires. Ce sont des services annexes de l'armée. C'est tout. Ils font la Regardez l'affaire de Boutcha. On manque au monde entier pour justifier les sanctions contre un pays, la Russie. Et ça ne dérange personne. L'affaire de Kramatorsk. Avant ça, il y a eu l'affaire de l'île aux serpents. Toujours. On manque à mon devision. Les gens manquent pour justifier les sanctions contre un pays et fondre sur ce pays-là. Mes chers amis, et le monde entier regarde. On regarde comme si on était affaire à quelque chose de normal. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il y a suffisamment d'éléments sur la table qui démontrent que en face, ce sont des succursales, c'est des services militaires déguisés en journalistes qui ont des fusils, des chars d'assaut, qui ont des missiles, qui ont des armes les plus sophistiquées de destruction massive, mais sous la forme médiatique. Nous devons tirer les conséquences et nous comporter comme tels. Les pays qui l'ont compris font comme le Mali. On les suspend, on les ferme, on ne les reçoit plus. On chasse l'ambassadeur de France chez lui. En attendant que cette pratique se généralise sur le continent, et ça va arriver, ce qu'il y a à faire, c'est que les populations africaines doivent remettre ces médias à leur place. D'accord. Merci à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.